Il y a un truc. Rock'n'roll. En déplaçant le médiateur plus ou moins vers le chevalet, l'harmonique chauffe. Ah oui. Un coup de guitare, excuse-moi, Pipaxis. Déplace vers le chevalet. Du manche au chevalet, tu déplaces, c'est ça? Oh putain, il va falloir que tu bosses. Hein. Moi, j'aime bien ces étoffes, moi. J'ai travaillé alors. Essayer un truc comme ça, mais il faut moins de BPI, non? Attends, on va changer de BPI. Combien ça fait de mesure? 32, ça? Merde.